Ce podcast constitue la deuxième partie de notre entretien avec le président de la FFBAD, Florent Chaillet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté la première partie pour comprendre les questions et les réponses de celui-ci, mais sachez que si vous voulez l'écouter, elle est disponible sur toutes les plateformes de podcast. On va traiter dans cette partie du retard de la fédération sur le thème de la communication et du numérique. On va également aborder l'augmentation du prix des compétitions et le air badminton. Bienvenue dans votre podcast badminton. 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Vous avez mis j'appellerais ça une taxe de 2 euros, en gros, vous avez augmenté de 2 euros le prix d'entrée à chaque compétition. Pourquoi vous avez choisi de faire ça comme ça et pourquoi mettre ça en place tout simplement? Quel était le but? Alors ça, je vais vous expliquer, je vous reprends tout de suite sur le terme taxe, c'est effectivement celui qui est employé par les gens qui ne sont pas contents. C'est une contribution. Contribution fédérale qui est prélevée au moment des compétitions. Alors d'abord, il faut bien préciser quand même que ça exclut les jeunes. Enfin, tout le monde est là. Pourquoi nous avons mis ça en place? Eh bien, la raison principale, c'est parce que, concrètement parlant, nous voulions que les compétiteurs prennent conscience du fait qu'ils sont plus consommateurs de ressources fédérales que ne le sont les joueurs dits loisirs. Bon, si vous voulez, après je m'expliquerai sur cette terminologie de loisirs que je trouve détestable et j'expliquerai ce que je pense à ce sujet. Mais c'est un fait. C'est un fait qu'il y a une partie du budget fédéral qui est dédié directement à l'organisation des compétitions. Il y a des salariés qui s'occupent pratiquement exclusivement de ce sujet-là. Et donc, le fait que tous les licenciés soient mis à contribution pour le budget fédéral exactement de la même façon, alors qu'il y a des personnes, une partie des licenciés, qui est un peu plus consommatrice de ressources fédérales que les autres, ça me paraissait quelque chose d'injuste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on ne peut pas indéfiniment demander aux joueurs qui ne pratiquent pas de compétition fédérale des augmentations du montant de leur licence, notamment quand il y a des besoins supplémentaires qui vont être plus précisément orientés vers les compétiteurs. Alors, nous aurions eu la possibilité de créer, comme ça se fait dans beaucoup de fédérations, une licence compétition, par exemple, et de dire, bon, bah, voilà, si vous voulez faire de la compétition, la licence vous coûtera 10, 15 ou 20 euros de plus. Il y a des fédérations dans lesquelles c'est même encore plus détaillé que ça. Une licence départementale est moins chère qu'une licence régionale et c'est encore plus cher pour une licence nationale. Enfin, voilà, nous, on a pensé, on a peut-être, ça peut se discuter, on a pensé qu'on voulait être au plus près de l'activité des compétiteurs, puisque nous parlions des ressources fédérales qui sont mises à leur profit. Et donc on s'est dit, bah, le mieux, ce serait que les compétiteurs payent une somme modeste chaque fois qu'ils font une compétition et que cette somme alimente le budget de la fédération. Alors on avait un peu regardé ce qui se passait statistiquement quand même. Grosso modo, pour vous donner une petite idée, la moitié des compétiteurs fait 3 tournois dans l'année, ou moins. C'est-à-dire que pour la moitié des compétiteurs, la contribution supplémentaire à la fédération est de 6 euros pour une année. Alors, compte tenu du service qu'il aurait apporté de ce point de vue-là, moi, je considère que la somme est réellement négligeable. Après, il y a quelques compétiteurs qui, effectivement, sont vraiment actifs et à qui ça coûte un petit peu plus cher. Mais si on compare les sommes qu'ils engagent par leur déplacement, la qualité de leur matériel, le fait que souvent il faut qu'ils payent leur hébergement pour les tournois qui ne sont pas en règle générale proches de chez eux parce que les gros compétiteurs se déplacent beaucoup. Là aussi, on peut dire que les sommes qui sont engagées vers la fédération par rapport au budget que ces gens-là consacrent à leur sport, ce sont des sommes qui sont assez négligeables. Voilà. Et on espère par ce biais-là que les compétiteurs se rendront compte du service que leur rendent les joueurs qui ne sont pas compétiteurs en payant, eux, leur licence auprès de la fédération. Et ces sommes-là ont bien entendu servi, et notamment, mais pas exclusivement, mais notamment au projet que nous avions justement d'améliorer de façon très conséquente les services rendus par la fédération aux compétiteurs. Je veux parler de la fourniture gratuite pour les organisateurs de compétition et les compétiteurs d'un vrai logiciel de compétition, un logiciel fédéral et qui permettra toutes les compétitions autorisées par nos règlements. Donc là, c'est la première brique va sortir incessamment. Voilà le type de choses que nous avons voulu mettre en œuvre et la raison pour laquelle nous avons demandé cette contribution. Du coup, c'est magnifique, vous faites mes transitions à la perfection. J'allais justement rebondir sur le fait que vous aviez évoqué un retard pris par la FFBAD sur le numérique lors de votre élection, ou juste après, il me semble. Et est-ce que vous considérez du coup que cette application rattrape une partie du retard sur le numérique? Bien sûr, ça en fait partie. Il est exact que dans la précédente Olympiade, et je l'avais signalé à l'Assemblée Générale élective, qui m'a élu, mais à l'époque, encore une fois, je pensais pas être président, je disais, voilà, moi, les choses qui me paraissent importantes, c'est ça, ça, ça et ça, et dedans, j'avais signalé que j'estimais que, mais j'étais pas le seul à penser ça, c'était assez facile de s'en rendre compte. La fédération avait fait un très gros effort à l'époque de la mise en place de Puna, qui avait été un gros succès, et malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont, elle s'est un petit peu endormie sur ses lauriers de ce point de vue-là, après la mise en place de Puna. Lorsque j'ai été élu, pour vous donner une petite idée, le budget des développements qui était consacré à Puna, puisque chaque année, il fallait faire des développements, corriger des bugs, rajouter des modules. Donc chaque année, il fallait faire quelque chose. Il y avait des demandes qui venaient de tous les secteurs de la fédération. Je pourrais citer des tas d'exemples, mais enfin, les arbitres demandaient à ce que leur rapport puisse être mis, puisse passer par Puna. Enfin, on peut trouver les exemples comme ça tant qu'on en voudra. Eh bien, lorsque j'ai été élu, nous avions plus d'un an de retard. C'est-à-dire qu'au rythme auquel nous faisions les choses, quelque chose qui était demandé en septembre ne pourrait pas être envisagé avant le septembre de l'année d'après. Et donc c'était effectivement complètement déraisonnable. Il fallait remettre des moyens sur le numérique pour arriver à rattraper ce retard. Et évidemment, il fallait mettre d'autant plus de moyens qu'il fallait aussi suppléer à nos manques, comme je viens de vous le dire, l'absence de logiciels de compétition, une fédération de quasiment 200 000 membres qui peut pas fournir gratuitement à ses membres un logiciel de compétition et dont les membres sont obligés de recourir à une solution extérieure à la fédération. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Même si, évidemment, je n'en veux pas du tout aux concepteurs extérieurs des logiciels en question qui, eux, ont suppléé à un manque fédéral et heureusement qu'ils l'ont fait et qu'ils l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Vous parlez de BadNet, notamment. Par exemple. D'accord. Mais même BadPlus, à l'origine. Je voulais vous poser une petite question aussi sur ce qui... vous avez parlé d'un retard qu'a pris un peu la Fédé. Je vais parler de la partie communication. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être changé dans la manière dont la Fédé communique et qui a été déjà critiqué? On fait beaucoup d'efforts, mais vous savez, la communication, c'est pas facile. D'ailleurs, rien n'est facile. C'est-à-dire que entre les intentions et la réalité, il y a souvent beaucoup. Moi personnellement, par exemple, je me suis pris plusieurs fois en flagrant délit, où plusieurs fois des administrateurs de la fédération m'ont dit, dis donc, tu nous as pas fait suivre tel truc et tout. J'ai dit, oui, c'est vrai, voilà, je l'ai zappé au moment où je le faisais. Et malheureusement, c'est ce comportement-là, et qui est évidemment pas du tout un comportement volontaire, et j'ai pris grand soin à faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible, ben même institutionnellement parlant, on peut quelquefois en être victime. Et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas très bien communiqué. Il faut dire aussi que c'est pas simple, dans la mesure notamment où, par exemple, du fait de notre retard du numérique et du fait que nous ne passions pas par Internet pour licencier nos joueurs, nous n'avons pas les adresses courrielles de l'intégralité de nos membres. Beaucoup s'en font. Parce que souvent, quand ils mettent leur adresse courriel, ils écrivent mal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est elles sont retranscrites, et ben elles sont fausses. Les adresses courrielles de nos licenciés que nous connaissons, quand on écrit à tous nos licenciés, le nombre de retours que nous avons de la part des prestataires informatiques pour nous dire que c'est une adresse qui n'est pas valide est absolument considérable. Et ça, c'est justement quelque chose qui va changer. Puisque à partir du moment où la prise de licence se fera automatiquement par Internet, ben là pour le coup, y aura vraiment une adresse Internet valable pour tout le monde. Et ben évidemment, je sais bien qu'il y a un tout petit pourcentage de gens qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne se servent pas du tout de l'informatique, et ceux-là resteront difficiles à joindre, mais c'est une toute petite proportion. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours très bien communiqué. Par exemple, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Nous avons mis en place un petit logiciel de saisie des résultats des interclubs, ICBAD. Ce petit logiciel n'est qu'un module de saisie des résultats. Ça n'est pas du tout le logiciel qui gère la compétition par elle-même. Le logiciel qui gère la compétition sera fourni à nos organisateurs de compétition. Pour l'instant, le morceau qui va sortir, c'est le morceau qui gère les compétitions individuelles. Mais bien entendu qu'il y aura une extension pour la gestion des compétitions par équipe. Et il y a beaucoup de nos licenciés, de nos membres, qui n'ont pas compris que c'était juste un logiciel de saisie des résultats et qui se sont indignés en disant que c'était un logiciel qui n'était pas du tout à la hauteur. Ben oui, c'est vrai, il n'est pas fait pour ça. Il risquait pas d'être à la hauteur, c'est juste pour saisir les résultats. Voilà, ça c'est par exemple quelque chose, peut-être qu'on aurait pu mieux communiquer là-dessus. Peut-être du coup ça aurait moins surpris nos compétiteurs. Je ne dis pas que l'Olympiade qui vient de se dérouler a été parfaite, hein. D'abord, on peut toujours faire mieux. Bon, donc oui, nous aussi, on aurait certainement pu faire mieux. Voilà. Quand on fait un bilan, il faut regarder globalement comment vont les choses. Est-ce que la fédération va beaucoup plus mal qu'il y a 4 ans? De mon point de vue, non. Est-ce que nous sommes partis sur la bonne voie? De mon point de vue, pour certaines choses, à l'évidence, oui. Est-ce que nous sommes arrivés au bout? Certainement pas. Mais il y a des progrès indiscutables. On continue à avoir du progrès du point de vue de nos résultats sportifs, ce qui est sensible. En revanche, par exemple, on peut dire que la progression du nombre de nos licenciés n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Là, je parle même pas de la Covid, hein, qui nous met en difficulté comme toutes les autres fédérations de ce point de vue-là. Mais même si on regarde ce qui s'est passé avant la Covid, sur les 3-4 dernières saisons, on était plutôt en plateau qu'en croissance, du moins la croissance était faible. Donc là, il faut absolument qu'on continue à proposer à nos licenciés ce qui, d'une part, les fidélisera et d'autre part, nous permettra de gagner de nouveaux membres et de nouveaux clubs. Donc ça c'est un point d'amélioration. Je vais pas vous faire le panégyrique de toutes les actions de la fédération, mais on a lancé beaucoup de choses quand même. Le badminton en extérieur, enfin bon, vous m'interrogez sur ce qui vous paraît être ou bien des succès ou bien des échecs, et je répondrai du mieux que je peux. On peut évoquer le badminton en extérieur si vous voulez. Oui, après, on a quelques questions sur le haut niveau, mais allez-y sur le badminton en extérieur. C'est un sujet qui nous intéresse et qui intéressera sans doute nos auditeurs également. Oui, alors le badminton en extérieur, ben c'est vrai qu'on est très habitué avec le volant en plume qui est extrêmement sensible au courant d'air à jouer en intérieur. Le badminton en extérieur, c'est quand même toujours pratiqué. Bah, d'abord, on a été accusé tellement longtemps d'être un sport de plage, justement, que ça dit bien ce que ça veut dire. La Fédération internationale s'est également préoccupée de ce sujet. Nous, d'ailleurs, en France, on s'en était déjà préoccupé. Mais on n'avait pas les moyens qu'à la Fédération internationale qui a beaucoup travaillé et qui a mis au point un volant qui est moins sensible au vent latéral que ne l'est le volant traditionnel. C'est un volant qui est en plastique et il n'est pas en plume. Il est recyclable. Il est commercialisé et il permet plus facilement de jouer en extérieur, c'est-à-dire on peut pas affronter des rafales tempétueuses, mais les petites brises, on va dire, ne rendent pas le jeu impossible, comme c'est le cas avec les volants traditionnels. Et du coup, ça nous ouvre des portes de pratique, notamment aussi parce qu'on peut faire des terrains en extérieur en plantant des brise-vents autour, des haies spécifiques qui cassent le vent, notamment parce que on peut du coup envisager alors ce sont des pratiques qui sont différentes de la pratique en salle, mais qui sont dans de la même famille et qui peuvent être tout à fait complémentaires. Par exemple, je vais donner des exemples concrets. Enfin, pour moi, celui qui est le plus parlant, c'est le badminton sur sable, où c'est, alors, on est bien d'accord que, à part quelques très rares joueurs qui n'hésitent pas à plonger dans les gymnases et qui de temps en temps se font mal, la plupart d'entre nous, quand on joue, on fait quand même attention de pas se vautrer. Et quand on joue sur le sable, ben c'est exactement le contraire. Là, on peut absolument se précipiter. Donc, c'est un jeu qui est un petit peu différent, qui est extrêmement ludique lui aussi. Après des études assez longues et assez élaborées, la Fédération internationale nous a proposé de pouvoir jouer à trois, avec cette règle que aucun joueur ne peut prendre deux volants de suite. Donc ça complexifie considérablement le déplacement, ça rend la partie extrêmement intéressante et ludique, et je pense qu'il y a un avenir pour cette activité là complémentaire de l'activité qui est en salle. C'est pas le même sport, mais c'est vraiment la même famille et c'est très très amusant. Quand je dis que c'est pas le même sport, le basket, le 3-3, c'est pas la même chose que le basket, quoi. Hein, et pourtant c'est extrêmement proche comme pratique. Et ben nous avons la même chose nous aussi. Et cette deuxième partie de notre entretien avec Florent Chaillet est à présent terminée. Merci de l'avoir écouté. Je rappelle que la première est également disponible sur toutes les plateformes de podcast et que la troisième arrivera dans quelques jours. On y abordera notamment le haut niveau. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天。